L'histoire économique du Canada, une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons examiné la socio-économie canadienne de la fin des années 1950 jusqu'à la fin des années 60. C'est la période où les gouvernements fédéral et provinciaux deviennent de plus en plus ambitieux, où l'intervention se fait omniprésente et plus ponctuelle, mais sans véritable coordination, ce qui fait qu'on assiste à une confluence de politiques qui souvent se neutralisent les unes les autres. C'est la grande illusion politique, la grande euphorie bureaucratique. Les hommes politiques et les bureaucrates se donnant tout le crédit d'avoir assuré une prospérité qui, dans une socio-économie petite et ouverte comme celle du Canada, venait probablement bien davantage de l'abaissement des barrières au commerce international et de l'urbanisation accélérée au Canada. Avec les années 70, cette illusion politique va mourir. C'est une décennie de ralentissement économique et la socio-économie canadienne commence à vivre d'une manière plus caractérisée sa quatrième grande discontinuité, son passage à une économie de l'information. Dans cette dernière émission de notre série, nous examinerons cette quatrième grande discontinuité. Avec les années 1970, il y a un ralentissement important dans le rythme de croissance du commerce international, un ralentissement aussi dans le rythme de croissance des économies industrialisées. Pour une socio-économie petite et ouverte comme celle du Canada, après une quinzaine d'années de croissance du produit national brut en termes réels à des rythmes dépassant les 5% l'an, c'est une décélération dramatique et des taux de croissance à moins de 3,5% l'an à partir de 1974. Le rythme d'accroissement de la productivité, déjà relativement lent, autour de 2% par année, tombe de moitié. C'est la récession la plus grave de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ces années troublées, les pays industrialisés ont tenté d'y faire face en augmentant la coopération, certains que tout s'était, que les ajustements seraient extrêmement difficiles et que la concertation pourrait peut-être être utile. On a donc vu s'accréditer l'idée de sommets économiques internationaux, mais aussi régionaux, chacun apportant sa moisson d'accords plus ou moins complémentaires à ceux auxquels on en arrivait aux grandes tables de négociation du GATT et des autres organismes plus largement représentatifs de toutes les nations du monde. Mais à proportion que le ralentissement économique se prolonge, la concertation devient de plus en plus difficile. Et même si le Canada a passé à travers les chocs pétroliers et la crise des années 70 mieux que beaucoup de ses partenaires, c'est surtout à cause de sa richesse, et pas tellement parce que la socio-économie canadienne s'est ajustée vite et bien au nouveau contexte international. La raison pour laquelle le Canada, petit et ouvert, donc forcé de s'ajuster vite, la raison pour laquelle il ne s'ajuste pas vite, c'est que sa socio-économie est aussi dépendante et balkanisée. C'est devenu un lieu commun que de rappeler que les deux tiers de l'industrie canadienne sont sous contrôle étranger et que dans le secteur des ressources naturelles, c'est souvent encore plus important. Mais ce qui a changé surtout avec les années 60, c'est, on l'a dit la dernière fois, la montée des gouvernements provinciaux, la mise en place de politiques de développement par les gouvernements des provinces au Canada. Pour certains, un mot, balkanisation, résume bien ce processus de désagrégement de la socio-économie canadienne, un processus qui, en bonne partie, est attribuable, comme nous l'explique Caroline Pestiot de l'Institut de recherche CDR, attribuable aux stratégies de développement séparées que se sont données les provinces. À partir des années 60 jusqu'à 77-78, chacune des provinces qui en était capable commençait à élaborer sa propre stratégie de développement économique. Et ce qu'on trouve curieux, c'est que le Canada était censé être pas seulement un marché commun, mais une union économique, dont les avantages sont censés être justement la spécialisation. C'est que chaque région, chaque ville, chaque district fait ce qu'il peut faire le plus efficacement possible et échange avec les autres sans aucune barrière. Mais la spécialisation à la fin des années 60, en tout cas, est devenue un mot péjoratif parce que ça voulait dire qu'une province, qu'on prend la Saskatchewan dans le blé, ou qu'on prend l'Alberta, ou qu'on prend la Nouvelle-Brunswick, par exemple, dans des produits forestiers, ces provinces se sentaient casernées, sentaient cloisonnées, reléguées au deuxième plan comme fournisseurs de matières premières. Et la spécialisation dont elles avaient tiré parti pendant 100 ans, si vous voulez, était devenue vraiment une contrainte intolérable. Alors, chacune des provinces s'est bâtie sa propre stratégie industrielle. On voit ça très clairement au Québec avec le livre Bâtir le Québec. Mais si on regarde la nationalisation de l'industrie de la potasse en Saskatchewan, aussi, il y a des choses semblables en Colombie. En Alberta, évidemment, c'est manifeste avec le Heritage Fund et leur détermination à tout prix d'avoir une industrie pétrochimique, malgré qu'il en existait déjà deux, une à Montréal et l'autre à Sarnia. Alors là, on voit une détermination de chacune des grandes provinces d'avoir sa propre stratégie de développement industriel. Et cela nous pose un problème parce que pour le monde réel, c'est-à-dire les hommes d'affaires, les ouvriers qualifiés, les techniciens, ça commence à créer vraiment des problèmes. Si au lieu d'avoir un marché de 24-25 millions de personnes, on se trouve cloisonné dans un marché de 4 ou 6 ou même 2 millions de personnes parce que son gouvernement provincial veut avoir une économie équilibrée chez lui. Il ne fait plus confiance au gouvernement fédéral d'avoir une politique de développement industriel nationale ou pan-canadienne. Est-ce qu'on peut dire, Caroline Pestiot, que dans la seconde moitié des années 70, on pourrait avoir atteint un niveau de balkanisation tel qu'il va maintenant se stabiliser? C'est un peu une question de confiance. L'expérience historique a appris, par exemple, aux gens de l'Ouest qu'ils ne veulent plus jamais compter sur les aléas, disons, des récoltes, du temps, du climat et le reste. Les années 30, les ont trop secoués. Alors, ils veulent absolument avoir leur propre industrie. Dans les maritimes, en Terre-Neuve, etc., il y a des expériences semblables. Alors, il y a cette détermination d'avoir quelque chose qui est propre, que le gouvernement fédéral ou le gouvernement ontarien ne peut pas les arracher. Coûte que coûte, ils veulent avoir une certaine assise économique. Mais en même temps, je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Parce que nous nous trouvons maintenant dans l'époque post-GATT, c'est-à-dire que les barrières tarifaires entre les États-Unis et le Canada, en l'occurrence, vont baisser considérablement. Et les succursales des grosses firmes américaines et autres, européennes ou japonaises, ne vont pas continuer à s'installer ou même rester, disons, dans une province qui n'a qu'un marché de 6 millions de personnes, si elle n'a pas accès au marché voisine. Avoir au moins accès aux 25 millions de Canadiens. Parce qu'autant aller s'installer aux États-Unis, où on aura automatiquement accès à la quasi-totalité du marché canadien à cause de la réduction tarifaire. Alors, quand on parle du niveau optimal de balkanisation, je ne sais pas si c'est une expression acceptable, mais je dirais que c'est peut-être un niveau critique et que ce serait vraiment assez téméraire d'aller au-delà du niveau de balkanisation que nous avons actuellement. S'il est clair que les provinces ne sont plus en tutelle, que les régions ont commencé à vivre des vies économiques séparées, à acquérir des identifications bien limitées au tout canadien dans l'entre-deux-guerres, ces régions ont maintenant commencé d'utiliser leurs États pour se donner des stratégies différentes et conflictuelles de développement économique. Cela a remis en question le rôle même du gouvernement fédéral. Avec les années 70, même le vocabulaire change. Le fédéral ne donne plus d'octroi conditionnel, il participe seulement à des programmes à frais partagés avec les provinces. Le gouvernement fédéral ressent des obligations vis-à-vis des individus et les régions au Canada, mais ce sont des obligations mal articulées. Il n'arrive plus à jouer son rôle d'intégrateur de ces identités limitées des régions. Certains iront même plus loin et diront que de par ces efforts même de centralisation et de standardisation des services publics et sociaux sur tout le territoire, l'État fédéral contribue et de façon substantielle à fragmenter encore davantage l'Union économique canadienne, à balkaniser le Canada. C'est le point de vue de Jean-Luc Miguet, un économiste à l'École nationale d'administration publique. Toute mesure de fiscalité, de dépenses ou de réglementation du gouvernement central qui interdit aux ressources de s'orienter vers où elles sont les plus productives, c'est une mesure de balkanisation. Est-ce que il faut maintenant le crier là, dans ce contexte de réforme constitutionnelle, c'est que l'ensemble des mesures fédérales qui contribuent à balkaniser dans ce sens-là, là, c'est devenu une part importante de l'activité publique. S'il n'en coûte rien, même si je ne suis pas productif d'habiter en Gaspésie ou à l'île du Prince-Édouard ou au Québec en général, s'il ne m'en coûte rien, en dépit du fait que je ne sois pas productif d'habiter dans cette région-là parce que les services publics me sont offerts à peu près gratuitement par le reste de la population, il est bien sûr que je n'aurai pas d'incitation à me déplacer vers une région où je serai plus productif. Et en ce sens-là, c'est ça qui est le vrai sens de la balkanisation. C'est dans ce sens-là que la mobilité se retrouve gênée et par conséquent, le gouvernement central, à cause de son importance très grande, a balkanisé plus que les provinces. En réalité, et assez paradoxalement, la centralisation entraîne la balkanisation du Canada. Il y a un vieux mythe là, qui est propagé, bien sûr, par la propagande centralisatrice, qui veut qu'il faut s'abstenir de conférer trop de pouvoirs, des pouvoirs plus étendus aux provinces, de peur que les provinces balkanisent le Canada, c'est-à-dire opposent des barrières à l'intérieur du marché commun canadien, au mouvement des biens, des gens, etc. Et alors qu'en réalité, quand on examine les choses de près, on se rend compte que c'est le gouvernement central qui probablement a balkanisé le plus le Canada. La péréquation, les politiques de transfert, l'objectif, le soi-disant objectif d'égalisation de la richesse à travers le Canada, c'est vraiment ça la vache sacrée de, comment dirais-je, l'idéologie politique canadienne. C'est de ce préjugé-là qu'il faut se libérer. La péréquation, en effet, a probablement, dans ses effets à long terme, amplifié les inégalités régionales au Canada. Comment, M. Miguet? Précisément parce que elle a posé des entraves à la mobilité des gens, à la mobilité des ressources, à la mobilité des biens à travers le Canada. C'est-à-dire qu'elle a suscité l'immobilité des gens dans les régions où ils ne sont pas les productifs. Elle les a maintenus dans les régions improductives et par conséquent, leur interdit de sortir, de s'extraire de la pauvreté ou enfin de la richesse inférieure dans laquelle ils se trouvaient. Cet effet néfaste là, sur la distribution de la richesse interrégionale est probablement amplifié par les incitations que la péréquation crée dans les comportements des gouvernements décentralisés comme les provinces et les municipalités. Parce qu'aujourd'hui, il arrive que par ce régime, les gouvernements régionaux, provinciaux, n'ont plus à porter le coût des inefficacités qu'ils imposent au régime. Je pense à des, disons, des politiques comme, disons, l'île du Prince-Édouard ou d'autres provinces qui est interdit aux non-résidents d'acheter du sol. Tout fait pratique. Évidemment, c'est une inefficacité. Ça diminue la richesse de l'ensemble de la population de ces provinces-là. Sauf que, comme ça réduit en même temps l'assiette fiscale, le gouvernement fédéral compense dans une bonne mesure par ses paiements de péréquation. Je crois qu'au Québec, on peut interpréter, en tout cas partiellement, la politique linguistique de cette façon-là aussi. Les Québécois n'ont pas apporté le fardeau intégral de la politique linguistique qui a, en quelque sorte, sinon chassé, du moins éloigné, les anglophones à revenus élevés de Montréal, etc., via hiérarchie managériale et professionnelle. Mais alors, la conséquence, c'est évidemment s'est exprimé dans bonne partie, en partie en tout cas, dans le budget de la province. Mais comme la péréquation compense les pertes de revenus, le fardeau de la politique linguistique est en quelque sorte reporté au reste du Canada, en partie, je dis bien. Certains, M. Midi, ont dit que peut-être les politiques de péréquation, par exemple, ont pu entraîner certaines immobilités des hommes et des ressources, et donc certaines inefficacités, mais qu'en fait, ça avait, d'autre part, créé une plus grande unité nationale. Mon hypothèse de départ serait plutôt la contraire, moi, qui voudrait que d'opérer comme ça des transferts gigantesques et systématiques d'une région à une autre, ça suscite des antagonismes vraiment insurmontables. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est probablement l'effet contraire que ça a entraîné. Et puisque ça n'a pas atténué les inégalités régionales, je ne vois pas en quoi ça aurait pu susciter une plus grande unité à travers le pays. Que la balkanisation vienne davantage de l'un ou l'autre niveau de gouvernement ou qu'elle soit le résultat de leur action conjointe, on peut difficilement concevoir milieu moins propice que la socio-économie canadienne pour élaborer une stratégie intégrée de réaction aux défis posés par la turbulence dans l'économie internationale. La fragmentation de la socio-économie canadienne n'a pas entraîné seulement l'émergence d'une coexistence pacifique entre régions, entre formations sociales au Canada. Mais de plus en plus, à mesure que la croissance plus lente rend le gâteau à partager de moins en moins suffisant, c'est la coexistence hostile, à proportion que formations sociales ou régions proclament la légitimité de leurs droits et qu'elles insistent pour négocier tout, y compris leur droit de participer à l'enrichissement collectif. Le degré de dissonance, de frustration, d'aliénation est devenu tel à mesure que ces consciences régionales et ces politiques de province building ont atteint de nouveaux sommets qu'on peut parler véritablement d'un état d'équilibre conflictuel au Canada. La cohésion sociale, la confiance, pour reprendre le mot utilisé par Caroline Pestio, confiance nécessaire non seulement aux accords de coopération, mais même au bon fonctionnement des marchés, cette confiance est, disent certains, en pleine érosion au Canada. Mais il y a un problème plus fondamental. C'est que même si l'on parvenait à créer un forum où pourrait s'élaborer une stratégie de développement et d'ajustement pour l'économie canadienne, et ce, par-delà les limites posées par le contrôle étranger et la balkanisation, il faudrait pour ce faire que l'on comprenne bien que la socio-économie canadienne des années 80 n'est pas une simple survie de la socio-économie de l'ère du capitalisme industriel. Il y a eu, au cours des derniers 20 ans, une mutation dans le processus économique mondial, un passage depuis une économie dont le moteur était la production de biens matériels vers une économie dont le moteur est la production d'informations. C'est ce que certains ont nommé la dématérialisation de la vie économique. Il est bien clair que, pour qu'une stratégie d'intervention économique s'avère effective, il faudra que l'on comprenne l'importance de cette discontinuité dans le processus économique, qu'on comprenne que l'on n'intervient plus de la même façon et avec les mêmes outils dans une économie qui, parce que dématérialisée, est aussi, en un sens, déterritorialisée, c'est-à-dire libérée de ses anciennes hypothèques géographiques qui ont tellement contraint le développement économique du Canada, libéré par exemple d'un développement lié exclusivement à des ressources naturelles géographiquement fixées. Le caractère central de l'information dans la société post-industrielle qui est la nôtre est cependant fort mal compris. J'ai demandé à Kimon Valaskakis du département de sciences économiques à l'Université de Montréal de nous l'expliquer. La société post-industrielle ou déindustrielle se manifeste par une prédominance du secteur de l'information. C'est-à-dire, si on considère que les activités économiques sont des activités de transformation de biens, des activités aussi de services, eh bien, ce qui caractériserait une société informationnelle et qui la distinguerait d'une société industrielle, c'est que dans une société industrielle, le gros de l'activité économique, c'est la transformation des biens. Dans une société informationnelle, le gros de l'activité économique, c'est les flux d'informations. Qu'est-ce qu'on entend, M. Valaskakis, par la notion d'information? Alors, l'information, c'est le savoir. L'information, c'est semblable à la technologie. C'est quelque chose qui existe dans l'esprit, c'est quelque chose qui existe dans les livres, c'est quelque chose qui existe sur cassette, c'est quelque chose d'abstrait. Mais c'est quelque chose d'abstrait qui est aussi un facteur de production. Et c'est peut-être, avec l'énergie, le facteur de production le plus important dans le monde contemporain. Ce n'est plus une question de dire il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. C'est maintenant une question de dire il y a en fait deux types d'activités. Une activité qui se concentre sur la transformation des biens et une activité qui se concentre sur la transformation de l'information. Cette activité qui se concentre sur la transformation de l'information a un aspect secondaire, c'est-à-dire un aspect manufacturier, et a un aspect tertiaire de service. Et c'est là où les deux mots anglais, hardware et software, sont particulièrement heureux, parce que le hardware, c'est quand même l'information dans le secteur secondaire, et le software, c'est les services, c'est quelque chose de plus abstrait. Le manque à comprendre la nature de cette économie dématérialisée, de cette économie dont le moteur est dans la production de l'information, le know-how, a fait que l'on ne sait plus ni mesurer l'économie canadienne, ni diagnostiquer raisonnablement la nature de ces malaises. C'est ainsi que le Conseil économique du Canada et le Conseil des sciences du Canada ont été mêlés à la version canadienne d'un débat qui a cours dans bien des pays, un débat sur la déindustrialisation. Certains, en effet, voient dans la baisse tendancielle de l'importance de l'industrie manufacturière, de la production des biens matériels dans l'économie canadienne, un signe de faiblesse technologique importante, faiblesse qu'il faudrait corriger par une politique de souveraineté technologique, politique capable de nous redonner la capacité à produire efficacement des biens manufacturés pour le marché mondial. D'autres voient simplement dans la déindustrialisation du Canada un processus normal d'évolution, de mutation vers une socio-économie de l'information. André Reynaud a été le président du Conseil économique du Canada. Il enseigne maintenant au département de sciences économiques à l'Université de Montréal. La déindustrialisation du Canada est liée au fait que si les ressources naturelles deviennent rares, et que vous êtes dans un pays qui possède beaucoup de ressources naturelles, vous allez déplacer l'activité vers l'exploitation des ressources naturelles, et il ne restera pas assez de ressources pour continuer à faire l'industrialisation et à produire des biens fabriqués ou des biens transformés. Par conséquent, ce phénomène-là est essentiellement pour moi un phénomène de prix relatif. Les prix des ressources naturelles montent, les prix des produits manufacturés diminuent, et ces ressources naturelles sont évidemment exportées en grande partie dans un pays comme le Canada. Ça fait monter le taux de change. Ça rend donc l'exportation de produits finis encore plus difficile. Et si vous combinez ces deux phénomènes, ressources humaines et financières qui s'en vont vers l'exploitation des ressources naturelles aux dépens du secteur manufacturé, taux de change qui implique des pressions additionnelles sur le secteur manufacturé, et j'aurais dû ajouter un troisième élément, l'émergence de nouveaux pays dans le monde qui concurrencent, là encore, les produits manufacturés. Donc, on peut, je pense à bon droit, on peut parler d'un mouvement vers un ralentissement de l'expansion du secteur industrialisé et une expansion du secteur des ressources naturelles. Certains, M. Reynaud, s'en sont inquiétés, d'autres ne s'en inquiètent pas beaucoup de ce mouvement de déindustrialisation. Oui, je serais probablement parmi ceux que ce mouvement n'inquiète pas beaucoup. Je ne vois pas pourquoi le bien-être d'une population serait lié au développement de certaines activités plutôt que d'autres. Je ne vois pas pourquoi on serait nécessairement moins prospère, qu'on aurait des emplois de moins bonne qualité si nous exploitons des ressources naturelles plutôt que de fabriquer des vêtements. Personnellement, je n'attache pas une très grande importance à ce phénomène de structure d'activité, là. Et c'est vrai que je ne m'inquiète pas beaucoup du fait que le secteur manufacturier du Canada, par exemple, puisse être un secteur en plus grande difficulté que d'autres secteurs. Ceci dit, c'est évidemment sous une réserve très importante, qui est celle que les secteurs alternatifs soient suffisamment dynamiques pour qu'on trouve des emplois pour tout le monde et qu'on trouve évidemment dans ces secteurs une productivité suffisante pour que les standards de vie soient maintenus. Certains ont dit, M. Reynaud, que justement, cette réserve que vous posez est la réserve fondamentale, qu'on ne réussira pas à créer suffisamment d'emplois en comptant seulement sur les ressources naturelles, qu'on est en perte de vitesse dans le secteur secondaire traditionnel, qu'il se pourrait que ce soit le tertiaire, que ce soit les activités de service, les activités immatérielles dans l'économie, qui pourraient être dans l'avenir, maintenant déjà, le moteur de l'économie canadienne. Franchement, j'en suis convaincu. D'abord, on n'a jamais eu au Canada d'avantage comparé évident dans le domaine manufacturier. En fait, on a traversé cette période de l'histoire, K1-K1, avec beaucoup de difficultés, avec justement des besoins d'intervention publique pour stimuler ces activités-là. Et ça a toujours été assez difficile. Par contre, il me semble qu'au Canada, nous avons un réservoir de ressources d'imagination et d'innovation qui devraient nous rendre la chose plus facile dans le domaine tertiaire ou dans le domaine des services, qui justement réclament un peu plus de matière grise et peut-être un peu moins de qualité manuelle. Et les conditions d'exploitation de ces ressources-là, moi, me paraissent plus avantageuses dans ces domaines-là. Par conséquent, là non plus, il n'y a aucune raison de penser que ces services seraient moins moteurs, seraient moins générateurs d'emplois induits ou d'emplois additionnels que le secteur de la fabrication. On s'oriente vers une société de services. Il est évident qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, de toute façon, il faudra y faire face. Et je pense que la façon que nous avons au Canada d'envisager ces problèmes-là devrait nous permettre de se donner un deuxième ou un second souffle en termes de prospérité économique à plus long terme, en dehors de celui des ressources naturelles. Il ne serait donc pas impossible, M. Reynaud, de parler d'une socio-économie canadienne d'information, une socio-économie canadienne basée sur la dématérialisation de l'activité économique et en tirant profit dans la division internationale du travail, dans le second 20e siècle. Je pense que nous avons déjà certaines avances dans ce domaine-là au Canada. On a des avances dans le domaine des communications, par exemple, et des domaines de l'information. Et ces avances, je pense qu'on serait très mal avisé de les négliger. Et si nous faisons les efforts nécessaires, pour rester à la pointe des progrès scientifiques dans ce domaine-là, on devrait pouvoir bénéficier des retombées qui vont nécessairement survenir dans l'avenir. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, surtout, c'est le fait que ça correspond à l'évolution des besoins des gens. ça correspond à l'état dans lequel nous nous trouvons sur le plan scientifique, sur le plan du genre de monde dans lequel on va vivre pour les années à venir, encore là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il est évident qu'on s'oriente vers une société, comme vous avez dit, dématérialisée, où les biens que nous allons produire à l'avenir sont des biens qui ne sont pas des biens physiques, parce que la productivité dans la production de ces biens physiques a augmenté tellement que moi, je vois le jour où le secteur manufacturier, dans un pays comme le Canada, n'aura pas plus d'importance que, par exemple, l'agriculture, où vous avez aujourd'hui à peu près 5% de la population active engagée dans ce qu'il y avait de plus fondamental il y a un siècle, c'est-à-dire l'alimentation de la population. Aujourd'hui, 5% de la population sont suffisants pour nourrir tout le reste de la population. Je vois très bien le jour, à cause des progrès techniques, où nous aurons un secteur manufacturier peut-être aussi mince, aussi étroit que 5% de la population active, parce qu'il sera devenu tellement productif que nous n'en aurons pas besoin davantage. Par conséquent, on doit s'orienter vers la satisfaction des nouveaux besoins de l'avenir, et ces nouveaux besoins de l'avenir sont des besoins de type intellectuel, de type d'information, de type de loisirs, et dans un monde technologique aussi avancé, ça passe nécessairement par l'ère des machines et l'ère des robots et l'ère des ordinateurs. Le rétrécissement du secteur de la production des biens physiques, c'est un processus déjà bien amorcé au Canada. Alors qu'en 1961, on a évalué à 45% la portion de la main-d'œuvre occupée à produire des biens matériels, on suggère qu'en 1991, ce sera moins du quart. Aux États-Unis, où le processus de mutation a été amorcé un peu plus tôt qu'au Canada, le professeur Marc Porra a pu évaluer à plus de 55% le pourcentage de la main-d'œuvre opérant en 1980 dans le secteur de l'information. Au Canada, 2 travailleurs sur 5 travaillent aujourd'hui dans des bureaux, dit-on, des travailleurs dont la productivité n'a pas augmenté très vite, à une fraction du rythme d'accroissement de la productivité des travailleurs engagés dans la production des biens physiques. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des investissements de l'ordre de 25 à 35 000 $ per capita dans l'industrie ou l'agriculture, alors que l'investissement per capita dans les bureaux, dans les activités de manipulation d'informations, est 10 fois moindre. On peut donc s'attendre à ce que l'on commence d'investir massivement dans ce secteur, à ce que la robotique, la bureautique, l'envahissement du secteur de l'information par les microprocesseurs soient des phénomènes majeurs au cours des années 80. Des emplois traditionnels seront détruits, des tâches nouvelles seront inventées. La transition que nous sommes en train de vivre ressemble étrangement à celle qu'ont vécue les populations qui ont vu leur vie transformée par la machine à vapeur. Au Canada, le contrôle étranger sur l'économie, un contrôle étranger qui a voulu dire à toute fin utile que la recherche et le développement et les fonctions centrales à forte intensité d'information ont souvent été retenues à la maison-mère étrangère et que des tâches de manufacture ont été déléguées aux filiales ou succursales canadiennes, ce contrôle étranger pose des problèmes nouveaux. Le problème de savoir si le know-how, l'innovation, seront produits ici, et d'une manière qui s'ajuste parfaitement aux besoins de la socio-économie canadienne. Le problème est fondamental puisque le manque à se donner accès à cette source vive du dynamisme économique qu'est l'innovation, l'information nouvelle, peut fort bien vouloir dire que le Canada pourrait mal réussir sa transition, sa mutation vers l'économie de l'information. Fernand Martin est économiste à l'Université de Montréal. Il a étudié ces questions. Il est bien connu que 90 ou 95% des brevets pris au Canada sont des brevets pris par des étrangers. Alors, évidemment, le rôle des entreprises étrangères est très important. Alors, est-ce que les Canadiens innovent? Bien, je pense qu'ils ont plutôt accès à l'innovation. La relation spécial que l'on a avec les entreprises américaines et étrangères produisent le fait que les brevets sont moins essentiels à être générés au Canada qu'un pays qui n'aurait pas ces relations-là. On n'a pas donc à innover autant, nous, parce qu'on a accès à la technologie américaine. Alors, vous allez plus loin que ma pensée, là. Probablement que la situation est satisfaisante au Canada, c'est clair. Notre standard de vie en démontre. Et on n'est pas tellement en arrière des autres pour la production. On pourrait peut-être reposer la question autrement, dire est-ce que la technologie auquel on a accès et la technologie dont on aurait besoin, est-ce que les deux coïncident parfaitement, étant donné les conditions canadiennes? Et là, peut-être que non. Peut-être qu'il n'y a pas assez de recherche pour développer les ressources canadiennes selon les caractéristiques canadiennes. Et prenez Hydro-Québec, ici, est un exemple dans ce sens-là, où on fait de la recherche sur l'automobile électrique, si on fait des recherches sur la transmission, la haut voltage, on va être des pionniers, on commence déjà à exporter cette technologie-là dans divers pays du monde. Ça a été fait par Hydro-Québec et la question est-ce qu'il y en a assez de ces initiatives-là? Il serait possiblement dangereux, M. Martin, donc, d'importer tout fait une technologie américaine qui, miniaturisée pour le marché canadien, pourrait fort bien ne pas être une technologie efficace. Le mot danger, là, moi, je ne suis pas alarmiste. Je ne me trouve pas en danger. Le Canada a un très bon standard de vie. Je ne vois pas en danger. L'inconvénient, si on peut mettre ça entre guillemets, de dépendre exclusivement d'une technologie américaine, ben, c'est l'incapacité d'exporter sur d'autres marchés. C'est-à-dire qu'ordinairement, l'entreprise mère américaine défend sa filiale canadienne d'envahir des marchés qu'elle se réserve elle-même. Alors, on est cantonné sur le marché canadien jusqu'à un certain point. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des ressources canadiennes qui ont une caractéristique spéciale. Les sables bitumineux de l'Alberta, l'électricité au Québec, et il y en a beaucoup d'autres choses. L'amiante. Qui va faire des recherches sur l'amiante? Un produit qui commence à avoir certaines difficultés au point de vue d'environnement, etc. Sûrement pas les Américains ou d'autres pays qui n'ont pas d'amiante et qu'au contraire, qui se lèvent les lèvres en disant si on pouvait remplacer l'amiante par un produit qu'on fait à un moment, ils seraient bien contents. Alors, c'est ça va, je pense, revenir au Québec ou au Canada de faire des recherches pour justifier l'utilisation de l'amiante de façon à ce qu'il soit pas nocif. Quand M. Martin a réussi à se donner dans une portion du pays au Canada une technologie bien adaptée au Canada, très efficace, qui donne à l'entreprise une plus grande rentabilité, est-ce que cela prend beaucoup de temps pour que cette idée neuve qui a fait fortune soit transférée dans les autres régions canadiennes? Tout dépend des innovations, mais ça peut prendre quelques années. Dans les ordinateurs, c'est une question de 2 ans entre différentes provinces canadiennes. Dans d'autres cas, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 ans. Dans certains cas que l'on a remarqué pour certaines technologies. Alors, l'écart peut être grand, peut aller jusqu'à plusieurs années, mais c'est tout de même encore assez limité. Nous avons calculé que ça contribuait seulement peut-être pour 1,5% de l'écart entre le standard de vie ou de production entre les régions. Donc, la diffusion moins rapide des innovations, ce n'est pas une source importante des différentiels entre niveaux de bien-être pour les Canadiens des différentes régions. Ça dépend. Il y a des régions qui ont tellement de problèmes que celui-là a l'air pas important. Mais par contre, dans le cas du Québec, qui est en course avec, mettons, l'Ontario, si on peut mettre ça de main, ici, c'est très important. Ça compte pour à peu près 50% du différentiel entre l'Ontario et le Québec. Parce que tout le reste a été arrangé. Alors, c'est pour ça que pour le Québec, c'est quelque chose de très important. Ce l'est moins ailleurs parce qu'ils ont déjà d'autres problèmes, beaucoup plus considérables en termes absolus, ce qui fait que ça relativise un peu l'affaire de l'innovation. Thank you. cette socio-économie canadienne balkanisée et informatisée qui est en train de naître dans ce second 20e siècle, selon la belle expression de François Perroux, on doit se demander quelle architecture elle est en train d'acquérir, quelle architecture elle pourrait se donner, puisque à proportion que se fait la conversion à une économie de l'information, à proportion que se fait l'informatisation de la société canadienne, la nouvelle socio-économie dématérialisée, déterritorialisée, dégagée des contraintes de la production matérielle, elle est à la fois plus volatile, plus vulnérable aux chocs extérieurs, mais aussi beaucoup plus facilement planifiable, régulable, orientable, guidable, diraient certains. Quand j'ai suggéré à André Reynaud que l'économie canadienne sera dans l'avenir plus planifiable et donc plus planifiée, il a hésité. Elle sera peut-être plus facilement planifiable, en effet, parce que les contraintes seront moins dures. Ceci dit, je me demande cependant plutôt s'il serait souhaitable qu'elle soit davantage planifiée. Je me demande si le danger n'est pas présent qu'à vouloir tellement volontariser tout ce qui nous entoure, voulant tellement contrôler cet environnement, nous n'allons pas apporter des freins à cette imagination qui est absolument indispensable à ce genre d'activité de l'avenir. Je me méfie de toutes les entraves qu'on peut vouloir apporter à cette libération-là au nom d'autres objectifs, quand en réalité celui-là me paraît primordial. Cette position toute libérale, avec un L minuscule, c'est celle qu'a défendue le Conseil économique du Canada, qui a invité le Canada à entrer dans des accords de libre-échange complets avec les États-Unis, afin que le marché libre puisse guider la conformation de l'économie canadienne. C'est un acte de foi profond dans les mécanismes du marché, un acte de foi un peu déraisonnable, diront certains, parce que la turbulence accrue dans l'économie mondiale, conjuguée à la dissonance dans le soubassement social canadien, cet arrière-plan de chicane autour du pot au beurre, font que les présupposés essentiels au bon fonctionnement des mécanismes du marché n'existent peut-être pas au Canada. L'intervention gouvernementale, un collectivisme à contre-cœur, diront certains, est rendu nécessaire. Pour Roland Parenteau de l'École des hautes études commerciales, le rôle de l'État et des gouvernements ne va pas décroître dans les années 80. Il y a un tas de gens, en fait, qui disent « bon, le gouvernement doit reculer, on a fait la preuve que le gouvernement n'était pas efficace quand il y avait des politiques économiques, donc il faut confier davantage de responsabilités à l'entreprise privée ». Je ne crois pas que dans le Québec, ce mouvement aille très loin. Et même, je dirais, pour l'ensemble du Canada, je ne crois pas que ce mouvement aille très loin. J'irais même plus loin, je pense que même pour les États-Unis, ça n'ira pas très loin. C'est tout simplement un mouvement de balancier. On se rend compte que l'État, évidemment, a envahi une foule de domaines. Je pense que ce à quoi on va se consacrer au cours des prochaines années, c'est peut-être d'améliorer la performance de l'État, c'est-à-dire de faire en sorte que l'argent qu'il dépense, que les moyens qu'il met en œuvre soient utilisés de la meilleure façon possible. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un recul significatif de l'État. Il va rester quand même le guide, si vous voulez, du développement économique. Peut-être qu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des sociétés d'État, par exemple, il va y avoir un arrêt. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un mouvement de privatisation des entreprises publiques très, très avancé. Peut-être qu'il n'y aura pas d'initiative d'envergure dans les années qui viennent, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait un recul important vers l'arrière. S'il est davantage probable que l'État va continuer à jouer un rôle important dans la direction de la socio-économie canadienne, il n'est pas certain que cette volonté de donner une cohérence nationale, une direction à cette socio-économie canadienne balkanisée, notre ou nos gouvernements soient capables de l'actualiser. L'une des raisons majeures pour lesquelles ce tour de force pourrait être difficile, c'est que les idéologies qui servent d'instinct aux Canadiens peuvent bien ne pas être fonctionnelles. Abraham Rothstein est un spécialiste d'économie politique à l'Université de Toronto. Sur l'un côté, nous avons les vues que nous appelons libérales, M. Trudeau par exemple, qui est centré toujours seulement sur les droits. les droits de la liberté de la presse, les droits de l'abondance, etc., etc. Et il n'a pas aucune vision de l'État-nation. Et c'est très difficile alors de créer une cohérence nationale. Sur l'autre côté, vous avez cet populisme qui est toujours fondé sur la terre, ce qui est au-dessus de la terre comme l'huile, et qui est l'attitude maintenant que je crois qui porte, disons, Alberta, les autres populistes comme ça. Ce sont des attitudes, des idées qui viennent, je crois, de ce que nous appelons Homestead, la fondation des pionniers des fermes du temps original. Et toutes les deux attitudes ne sont pas fonctionnelles pour les problèmes que nous avons maintenant. Alors, je n'ai pas beaucoup de raisons pour être optimiste pour cette question de mobiliser une volonté nationale. J'espère toujours que nous arrivons à cette volonté nationale, mais je ne suis pas optimiste. Ce pessimisme mesuré du professeur Rothstein face aux idéologies libérales et populistes, idéologies qui animent et déchirent le pays, il n'est pas sans appel. Le professeur Rothstein lui-même a suggéré que ce qu'il faut avant tout, c'est reconnaître la nature réelle de la socio-économie canadienne, petite, ouverte, balkanisée, mais surtout dépendante, si on veut imaginer des solutions pratiques possibles. Le pouvoir d'économie américain est en déclin. Nous sommes attachés à cette économie et nous sommes en déclin avec eux. Et dans une telle situation, une atmosphère a commencé maintenant, que vous savez bien, cette expression « sauf qui peut ». Et les législations, les régulations des Américains, des U.S. Trading Practices Act de 1979, ont beaucoup de formes de protection pour leurs compagnies américaines contre les importations. Ça veut dire pas avec les douanes et les tarifs, les formes traditionnelles, mais ce que nous appelons non-tariff barriers. Les importations canadiennes aux États-Unis sont maintenant en beaucoup de danger et ça nous donne une situation très précaire pour créer une stratégie industrielle. Comment est-ce que les Américains vont tolérer beaucoup plus de concurrence maintenant quand ils ont eux-mêmes une situation si difficile économique? Et vraiment, nous ne savons pas maintenant où aller. Nous parlons, et j'accepte très bien cette notion d'une stratégie industrielle, mais je crois bien que de plus en plus, nous devons regardez notre secteur canadien d'importation. Nous importons beaucoup plus de choses que des autres pays développés, que presque 35% de l'économie des manufacturiers se compose des importations. Nous avons un déficit de 17 billions de dollars maintenant sur les choses de technologie avancée. Je crois bien que s'il y a une solution à ce dilemme, c'est de tourner vers notre propre marché canadien. Ce serait la direction vers laquelle pointerait un nouveau nationalisme économique. Oui, mais je ne sais pas si on va le donner ces noms avec plein de rhétorique. Ce sont de plus en plus des choses pratiques pour survivre dans notre propre économie. C'est donc vers un nouveau nationalisme économique pratique, vers un certain protectionnisme, une stratégie industrielle clairement articulée sur le marché canadien, et ce malgré sa petitesse, que le professeur Rothstein imagine une porte de sortie. Voilà qui n'est pas sans rappeler certains aspects de la politique nationale de John et Macdonald à la fin du 19e siècle. Ce serait, il faut le croire, une stratégie de développement qui utiliserait les nouveaux possibles engendrés par l'informatisation de la socio-économie pour construire une unité nouvelle, différente, à partir de cette réalité canadienne tellement divisée, une unité capable de mobiliser les énergies, les imaginations canadiennes. Cette image nouvelle d'un Canada qui serait, qui est une communauté de communautés, c'est aussi celle que défendrait Eric Kearns, ancien ministre au Parlement fédéral et québécois et jusqu'à récemment professeur de sciences économiques à l'Université McGill. Image qu'il défendrait parce que, nous dit-il, c'est un projet qu'il a fallu continuellement défendre depuis 100 ans contre les projets standardisateurs, centralisateurs au Canada. Je pense que... On avait dans notre histoire deux tentatives de faire du Canada un pays unitaire. Et c'était la tentative au commencement en 1867 et les tentatives de John A. Macdonald, George Etienne Cartier, Darcy McGee et tous les autres. Le Canada était supposé d'être un pays unitaire parce que toutes les provinces après la Confédération ont existé presque... 50%, plus que ça pour Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, sur les subsides qui sont venus du Trésor fédéral. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et après 60 ans, pour bien des raisons, dans les années 20 et les années 30, le Canada était un pays, une communauté des communautés, en effet. Le palier du gouvernement qui était le plus important dans les années 20 et les années 30 était le niveau municipal et avec la taxe foncière et tout ça. Bien plus important que la province et aussi plus important en moyenne que le gouvernement fédéral. Si on prend comme critère la distribution des revenus de leurs propres sources. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les bureaucrates d'Ottawa ont essayé de retenir tous les pouvoirs qu'ils ont accumulés pendant la guerre pour les fins de remporter la victoire. Okay. Et c'était un succès qui a créé bien des risques et bien des tensions ici dans notre pays. Même en 1955, on peut dire que le gouvernement fédéral a perçu à peu près 64% de tous les revenus perçus par les trois niveaux du gouvernement. Mais ça a commencé à détériorer à leur point de vue depuis ce temps-là. Et c'était les forces, les pressions exercées en particulier par la province de Québec et par les initiatives comme Saskatchewan dans le domaine de la santé, etc. Je pense moi-même que cet effort d'introduire certains amendements à notre Constitution, en particulier la Charte des droits humains au niveau fédéral, est une tentative pour la troisième fois, la troisième tentative de créer un pays unitaire. Parce qu'avec une telle charte inscrite dans la Constitution, les individus peuvent contourner les gouvernements provinciaux en allant directement au gouvernement central pour régler leurs problèmes. Et les problèmes dans le domaine aussi de la culture, en particulier, et des domaines sociaux. Donc, c'est exactement cet outil qu'a utilisé les États-Unis pour déchirer la souveraineté des États aux États-Unis il y a 100 ans. Mais je doute que ça va arriver. Il y aura une résistance formidable, un effort coopératif entre le Québec et les provinces dans l'Ouest en particulier, et certainement certaines provinces de l'Atlantique. Pas la coopération d'Ontario, parce que l'Ontario, c'est le bénéficiaire d'une politique centraliste économiquement parlant. Et je pense que ça va terminer dans la seule façon qu'un Canada peut exister avec sérénité et stabilité, ça serait une communauté des communautés. Nous ne chercherons pas à suivre plus avant ces conjectures sur les conditions d'une socio-économie canadienne s'accomplissant, s'instituant dans la sérénité et la stabilité. C'est un futurible, c'est un futur possible. Nous nous arrêterons là dans notre enquête sur l'évolution de la socio-économie canadienne. Ceux qui ont fait ce voyage de 25 heures avec nous se rappelleront que nous avons développé dans notre première émission un schéma d'interprétation, une grille d'analyse qui nous a guidés tout au long de cette série. Un schéma qui incitait à une lecture à la fois horizontale dans l'espace des différences régionales au Canada et verticale dans le temps des différentes époques. Pour démarquer l'expérience de la socio-économie canadienne, nous avions identifié quatre grandes discontinuités. Le passage de la Nouvelle-France du statut de comptoir à celui de colonie à deux versants autour de 1700. Le passage à une économie de capitalisme commercial autour de 1800. Le passage au capitalisme industriel vers les 1870. Et enfin, le passage à une économie de l'information dans le second 20e siècle. Nous avons tenté de montrer comment les forces démographiques, les forces moulant l'organisation de la production et de l'échange, les forces financières, mais celles concrétisées aussi dans les pratiques des groupes sociaux et dans l'action de l'État, comment ces forces ont tissé la trame de l'évolution de la socio-économie canadienne concrète. Nous espérons avoir réussi à jeter un peu de lumière sur les raisons qui ont fait que la socio-économie canadienne s'est instituée, organisée de façon différente à divers moments du temps et dans divers segments de son espace, et comment nous en sommes arrivés à la socio-économie canadienne d'aujourd'hui. Nous remercions nos compagnons de voyage de leur attention. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. À la technique, Charles Gervais. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet, qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.